Ensuite de ça, vous avez et vous aviez, il y a 20 ans, 10 000 quêteux. On est rendu à 30 000 quêteux qu'on appelle des itinérants. Ils viennent à Montréal. Pourquoi? Parce que ça s'appelle province sociale du Québec. T'offres une assurance pilule que tu viennes d'Halifax où on t'endure pas, ou que tu viennes d'Ontario où on t'endure pas, puis tu viens faire le You Got Any Spare Change pour aller prendre de la bière. J'ai vu ça à Sainte-Catherine, pas plus tard que la semaine passée. Oui. Deux gars, deux coins de rue différents. Alors, là, évidemment, mais il y a beaucoup de francophones aussi. Give me money for my beer fund, hein, pour mon fonds, ma fondation de la bière. Alors, ça s'appelle pas du mépris, c'est pris comme des joueurs de hockey, des armoires à glace. Puis j'en ai une fois que j'ai parlé, il m'a dit, pourquoi je vais travailler? Je ramasse 40 à 50 piastres par jour avec mon chèque de BS. Alors, on a créé un système vicié. Quoi faire pour éliminer ça? C'était ramasser, faire des jardins communautaires, faire des équipes pour ramasser papier, c'est parce que Montréal est une ville sale, oui. Et ainsi donner une réputation comme du monde, comme l'ont fait d'autres villes en Amérique, dont New York. C'est tellement j'ai bon. J'ai vu deux graffitis, moi. Exactement. Demandez, par exemple, aux assistés sociaux aptes au travail. Moi, c'est les 135 000 qui sont aptes au travail qui reçoivent un chèque depuis 11 ans en moyenne. Au moins de leur demander une contribution sociale, une contribution dans la société, nettoyer les terre-pleins d'autoroute, nettoyer les berges du Saint-Laurent.